Québec solidaire, ça reste un parti un peu flayé d'extrême gauche. Mais s'il y avait juste Françoise David, il y a certaines de ses idées qui sont bonnes. Je l'ai dit. J'ai dit à François, j'ai dit, tes idées sont bonnes. Bon, ça reste que certaines bonnes idées. La base est assez extrême. Oui, mais tu sais, là, quand ils ont levé le flag sur les écoles contaminées de Montréal, tout le monde certains finit aspects. Par dire des choses sensées. Et Françoise est bonne pour éviter les choses qui sont trop extrêmes. Elle n'est pas extrémiste, Françoise David. Là. Je sais, mais elle évite bien les sujets parce que sa base continue à y fournir des affaires assez flyées. Tu sais, réglementer cosmétique puis nationaliser centre d'achat. Tu sais, ça reste des idées qui sortent, là, Québec solidaire. Elle est bonne pour éviter ça. Tu sais, elle parle pas de ces affaires-là. Elle amène les points un peu plus populaires. Elle enrobe bien patente. Un peu plus mainstream comme personnage. Françoise David, c'est ça. C'est quelqu'un qui a évolué dans le communautaire, donc quelqu'un qui est groundé. Puis là, de belles qualités. Amir Kadir, je suis pas capable de le sentir. Okay, Amir Kadir est pas, je suis pas capable de le sentir. Non, mais lui, avec son ton agressif, on commence à en avoir plein les bottines. Et je voulais pas faire encore un jeu de mots. Soulier, bottine. Le co-chef s'appelle Andrés Fontesilla. Ah, il s'est fait tasser par Amir. Ouais, je vous l'annonce d'un vœu de Noël. Je vais y aller, moi, faire le message de Noël. Je vais leur dire. Donc, vous avez, le drôle de lutin Amir Kadir qui est devant le Kodak a littéralement tassé le numéro 2 de Québec solidaire pour aller s'asseoir sur le pouf à côté de Françoise. Mais là, c'est pas joyeux Noël pour tout le monde, là. Vous allez comprendre à l'écoute, puis j'ai écouté le début, mais vraiment, on l'a compris. On l'a sorti in extenso pour pas se faire accuser de sortir quelque chose hors contexte, là. Écoutez bien les vœux de Noël très orientés. Là. Joyeux Noël surtout à ceux qui ont gagné la bataille contre les gaz de schiste. C'est donc c'est pas joyeux Noël à toute l'humanité là, mais c'est Québécois, très ciblé là. Là je te le joue de façon qu'on puisse l'arrêter. Okay, parfait. Donc, on écoute. Hey salut bonjour, je suis vraiment content de pouvoir vous adresser quelques mots. Ouais. Ça c'est très très spécial. Hey salut. Ouais mais sur une musique style Rat Pack d'entendre Amir Kadir là. Ouais. C'est très agressif, qui veut fermer radio. Ça n'a même pas le temps d'y tenter. Hey, salut, là, by the way, là. Ouais. Pas sûr que ça fait de Noël fort chez eux, là. Ouais, non, mais, donc, Amir Kadir, sur un thème du Rat Pack, là, c'est un peu fucké, c'est un peu bizarre, là. Mais voici les vœux de Noël. On l'a arrêté assez rapidement. Pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Attends un peu, je vais leur partir parce que là. Ouais, la musique arrête la musique hein? Arrête. Pourquoi la musique arrête? Hein? OK, attends un petit peu. On va l'avoir là, dans toute sa splendeur. Ce sera pas là. OK, on repart. Hey, salut, bonjour. Je suis vraiment content de pouvoir vous adresser quelques mots pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. D'abord parce que c'est l'occasion de parler à tous les gens, tous les militantes et militants nombreux qui sont en Gaspésie, en Abitibi, puis j'espère quelques-uns quand même ici à Montréal et dans mon comté, dans Mercier. Ensuite parce que c'est le temps de se parler des bonnes nouvelles, pas rien que des mauvaises de la dernière année, puis des bonnes nouvelles, il y en a eu. Surtout à chaque fois que notre peuple s'est mobilisé, à chaque fois que des gens se sont mis debout, pensons juste à la formidable victoire, je dirais, sur le plan de l'opinion publique, des citoyens de la vallée du Richelieu qui se sont soulevés contre les gaz de schiste. C'est donc important de se le rappeler, de s'en parler durant le temps des fêtes. Bien oui. Je peux pas croire que c'est cette année. On dirait que c'est un message de l'an passé. Je peux pas croire. La live à traduire.com, d'après moi, là, je le dis comme ça, là. Il est pas dans la bonne année? Peut-être que c'est l'année passée ou l'année d'avant, là. Je peux pas croire parce que il me semble que la bataille dans la vallée du Richelieu contre les gaz de schiste, il me semble que c'est pas cette année. En fait, je pense qu'ils cherchaient une bonne nouvelle, là. Mais, tu sais, la charte, ça, c'était pas bon. Il y avait pas d'autre. On continue. On écoute. Okay. Pour notre peuple, là où notre peuple se tient debout. Il y aura aussi à se souvenir pour l'année prochaine, pour soutenir leur combat, les 250 employés du Journal de Montréal qui sont toujours en lock-out. Ah là là, c'est vieux debout, ça, cette affaire-là. C'est une vieille affaire. C'est un vieux vœu de Noël. Là. Oh. Mais c'est spécial pareil, quand même. Le Québec solidaire souhaite ses vœux de Noël, mais juste aux combattants syndicalistes, aux combattants anti-gaz de schiste. On va l'écouter pareil. Ça, ça date d'après moi de 2012, peut-être, 2011. À peu près ça. Journal de Montréal, ils ont signé la convention à Québec, ils vont la signer. Donc, il y a un lockout, ça a brassé à Montréal. On écoute. Et donc, ça explique aussi pourquoi c'est pas l'autre co-chef. Exactement. Okay, bon, okay. Donc, la vision de Noël style Québec solidaire. C'est une vision très exclusive pour ceux qui sont en guerre contre le capitalisme seulement. Là. On écoute. Et les supporter. Moi, je voudrais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Je voudrais vous souhaiter joyeux Noël et que vous n'oubliez pas que l'année prochaine, on s'approche de bien belles victoires qui sont à préparer. Moi, j'ajouterais, on est d'accord, hein, vous savez, toujours. J'ajouterais non, que cet automne, on a vu aussi des victoires importantes pour des femmes. Je pense entre autres aux éducatrices en service de garde en milieu familial. Moi, je vais parler des femmes. Convention collective pour des milliers de femmes, là, beaucoup de femmes immigrantes, c'est extrêmement important. Évidemment, je pense aux infirmières, hein, qui ont réussi à signer leur convention collective cet automne. Et puis, ben, la formidable mobilisation à Rimouski de la Marche mondiale des femmes. Bravo à la Fédération des femmes du Québec. Alors, on continue le combat l'année prochaine. Évidemment, c'est pas terminé. C'est très exclusif. On continue aussi à penser financement. La campagne n'est pas terminée. Ça se termine le 30. Oh, l'argent! Joyeux Noël, bonne année à tout le monde. Joyeux Noël. On se retrouve. Salut. Mais ça me semblait que c'était caca, l'argent aussi. Ouais, oh, mais le financement, ben, il donne une idée. Financer la lutte, ça, c'est pas pareil. Parce que c'est une lutte, là, c'est pas. C'est pas pareil. Sont-tu dans la salle des fournaises, hein? Il y a comme un. Un homme? Ouais, je sais pas. Il y a comme un fond, là, fatiguant. Mais c'est très, tu sais, c'est pas, souhaitons-nous une année prospère, une année, ça veut dire ça à chaque année, c'est ça à chaque année, là, de toute façon, là. Souhaitons-nous une année prospère où il y aura de la croissance économique pour qu'avec cet argent-là, non, ben non. On paye nos factures. Non, c'est pas ça. C'est la lutte des gardiennes en CPE immigrantes. T'sais, c'est très, très pointu. Puis bravo pour la marche à Rimouski, là, pour les femmes. T'sais, c'est très, très pointu. Puis évidemment, ben là, tu sais, Françoise parle des femmes. C'est pas un peu sexiste, ça, d'ailleurs? C'est carrément sexiste. Pourquoi c'est toujours Françoise qu'il faut qu'il défende le féminisme puis les femmes puis. Comme ça l'est. Moi, je vais défendre les syndiqués qui se sont battus, là. C'est très sexiste. Moi, je comme toi, ça tu parleras des pour femmes. Les féministes qui attaquent les calendriers. Comme c'est arrivé dans le cas des étudiantes en médecine. Des filles brillantes. Tu sais, une féministe moderne aurait dit, hey, les femmes ont le droit de disposer de leur corps. C'est ça qu'ils disaient les années 60. Ben oui, je pensais que c'était ça. Les femmes ont le droit de disposer de leur corps. Elles sont intelligentes, sont en médecine. Elles ont le droit de faire un calendrier. Donc ça a changé, ça. Non, c'est rétrograde. On est revenu en arrière. Là maintenant, c'est une réaction sexiste. C'est que les femmes qui disposent de leur corps comme elles le veulent, maintenant c'est ça la spin, ont été influencées par les hommes qui dirigent les c'est réseaux ça. De mode ça, et de l'image. C'est ça. Là, ça a changé. Là, c'est plus. L'image. Là, c'est des niaiseuses qui ont été manipulées. Mais c'est de les traiter par niaiseuses. Des hommes. C'est profondément sexiste ce qui est arrivé à Sherbrooke cette année. Ouais, mais c'est pas de leur faute, sont niaiseuses, Dominique. Comme c'est l'homme qui est responsable de ça. Tu le fais remarquer, là, ça. Là. La dichotomie entre les deux hommes-femmes, elle, a traite c'est elle juste qui des sujets des, de femmes. Des femmes tout le temps. C'est ça. Mais ça a toujours été ça un peu aussi, là. Parce qu'elle est très féministe. La femme fait sa job de femme, alors que Kadir aurait pu parler. Moi, je vais défendre les femmes. C'est peut-être lui aussi qui dit. Moi, je vais. Puis toi, tu parles des femmes, là, tes affaires de filles. Mais c'est vrai que c'est sexiste. À première vue, là, prima facie, ça a l'air de ça. Anyway, 11h19. Les vœux de Manon, elle, j'ai hâte de les entendre. Ça va. Je sais pas. Est-ce qu'on lui souhaite? On lui souhaite quoi, là? Une belle pilosité, quelque chose? Je sais pas. Ah, Manon, je sais pas. Une belle pilosité. Ben, c'est elle qui l'a dit. Ouais, c'est ben, son terme, quand même. Ça. Elle vit bien avec ça, absolument. Moi, je lui souhaite d'entretenir sa pilosité comme bon lui semble. Exactement. Elle a le contrôle de son corps. Et regarde, c'est elle. Libre à elle, là. Regarde, on n'a rien à voir là-dedans, là. Puis encore là, elle, c'est pas les hommes qui ont décidé de... Non. Non, c'est pas l'image de la beauté. Peut-être garantir que j'ai rien à voir là-dedans. Et vous êtes dans Morel Live. Okay.